¿Cobra cámaras? Hola, Nico. Ça y est? Ah, moi je suis sûre que ça t'es capable de le faire dans ton lit. Tu savais l'écrire avant. Tu vois pas? Il est où le problème? Maintenant? Il s'écrit comme une main au début. Comment t'écris ta main? Alors déjà corrige ça. Voilà. Et ensuite c'est sur la fin, je crois que tu as ouais, sur la fin une lettre qui ne s'entend pas. Non, si on l'entendrait, ça ferait maintenant. C'est une lettre qu'on n'entend pas. Vas-y, mets la H. Non. Tu veux le chercher dans le dictionnaire? Tu trouves la bonne page? Ah, si tu veux, oui. Si tu veux. Non, pas, moi, je ne peux pas. Merci. Je suis désolée, je vais te chercher. Dans cette page. Maintenant. T'es concentré pour le faire, Léon, s'il te plaît? Maintenant, je t'ai donné la page. Est-ce que tu l'as vu? Tu peux chercher maintenant et corriger ta faute, il y en a encore après. Alors, tu regardes maintenant, je t'ai trouvé la page et tu me le corriges. Il te manque que la fin du mot. Je vais me blesser là. Est-ce que j'ai voulu faire ça? Est-ce que tu... T'as corrigé le début. Merci, c'est juste ça. Réveille-toi, s'il te plaît. dentaire. Pour quelque chose qui est coincé entre les dents, tu prends un petit bout de pli et tu l'enlèves. Toi, tu as des dents écartées, donc ça ne sert à rien, tu risques de te blesser à la gencive. Voilà. Ça y est, mignon, tu as tout ce qu'il te faut, c'est quoi que tu cherches maintenant? Ça, tu l'as fait. Il te manque que ça. Regarde, mignon. En fait, là, c'est lequel que tu cherches pour goûter. Alors, goûter, je ne sais pas si tu l'as, hein. Tu sais que tu vas trouver goûter, toi. Goûter, ça date d'il y a tellement longtemps, je ne vois pas comment tu vas le goûter. Hein. Tu vois, je ne trouve pas ça facile. Moi. Voilà, peut-être là. Tu vois, il n'est même pas. Il y en a aujourd'hui, tu vois, on a beaucoup aujourd'hui, mais il n'y a pas tout. Donc, tu vois pas comment tu veux le trouver. C'est difficile. Alors, regarde, le goûter, en fait, c'est juste un problème d'accent. Parce que tu arrives avant que je te le trouve, ou tu peux. Tu as juste oublié un accent. Tu vois ce que c'est? Mais voilà, mets le sur où tu veux mettre. Goûter, c'est où tu le mets? Non. C'est le goût, ce sera pareil. C'est là aussi qu'un accent circonflexe. J'ai un bon goût dans la bouche. Donc ça ne va pas être sur le E, puisque le goût aussi, on a l'accent. Donc c'est soit sur le O, soit sur le U. C'est pas sur le O. Donc O, U sont ensemble, c'est toujours le U. Goûter, c'est comme ça. Et regarde les mots. Le goût, j'ai un mauvais goût dans la bouche, c'est aussi comme ça. D'accord? Maintenant, il te manque juste une fois, c'est ça. Regarde, la phrase, c'était... Concentre-toi. Assieds-toi. Je mange du pain et de la confiture. Tu te corriges? Tu as marqué T. Alors, on va savoir qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce T. Ça n'a rien à voir. La liste orange sur ce cahier. Ça, c'est pour toi et papa. Non, pour toi aussi, tu peux. Hein. Oh.